Bonjour Catherine Dutu, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Lors de la 15e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui se tiendra du 14 au 19 décembre, il sera décidé si le couscous, plat emblématique du Maghreb, entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il le mérite et bien dans le cours de l'histoire, nous lui consacrons une émission, oui, l'histoire du couscous. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce que le couscous? Le mot apparaît au XVIe siècle chez Rabelais. Rabelais, fournisseur officiel de mots pour la langue française. Rabelais, linguiste, merveilleux inventeur de génie. Dans son Gargantua, il est question de couscous, qui est servi avec grand renfort de potage, c'est-à-dire avec du bouillon. Et dans le tiers-livre, Rabelais parle d'un grand pot beurrié plein de couscous. Alors qu'est-ce que cette chose-là mystérieuse? Bien plus tard, Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine, lui parle de couscous, le couscous. Mais qui a inventé cette chose-là? Qui a inventé le couscous? Et quelle est son histoire? Comment est-il devenu un des plats préférés des Français? Comment va-t-il, sans doute, nous l'espérons, bientôt entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO? Bon élève que nous sommes, nous voulons définir les mots du sujet. Nous parlons de couscous tout de suite. Fatema Hall, bonjour. Qu'est-ce que le couscous? Bonjour. Nous imaginons un plat. Corrigez tout de suite la chose. Qu'est-ce que précisément le couscous? Ben écoutez, le couscous est avant tout un plat de partage. C'est un des plats les plus équilibrés au monde, puisque c'est le seul plat qui réunit les céréales, les légumes, les légumineuses, les fruits et bien entendu les viandes. Ce plat donc apparaît bien avant François Rabelais, puisqu'on le trouve dans les livres d'Ibn Razin Toujibi, et on est au 11-12e siècle. L'erreur que la plupart des Occidentaux commettent, c'est de croire que nous sommes une civilisation orale, alors que les livres de cuisine ont été écrits depuis bien longtemps et bien avant la France, et sans chauvinisme aucun. Non, mais ça donc nous avons des traces et on peut vérifier. Là où effectivement tout se mélange, c'est que très très souvent, je pense que le couscous est d'abord cet acte de rouler le couscous et de le cuire à la vapeur. Tout le reste, c'est-à-dire le blé concassé, le mil, ça ce sont des variantes qui se sont rajoutées par la suite. Alors, Fatema Hall, je voudrais juste préciser que vous êtes chef cuisinière marocaine, que vous avez fait des études de littérature arabe et d'ethnologie. Vous vous êtes beaucoup impliquée dans le mouvement du soutien à la cause des femmes, et c'est important dès que nous parlons du couscous, car là nous touchons à quelque chose qui est une spécificité féminine, et vous avez créé le restaurant de gastronomie marocaine, le Mansouria, ça se trouve à Paris, et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages avec évidemment le couscous au centre de vos intérêts, le livre du couscous, ou encore avec Éric Fesneau, Tagine et couscous. Je voudrais que nous accueillions aussi Marianne Briseville qui est avec nous dans le cours de l'histoire. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'Université Lyon 2, membre du comité d'histoire, d'archéologie, de littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. Votre thèse s'intitulait « L'alimentation carnée dans l'Occident islamique médiéval, production, consommation et représentation ». Cette chose nous intéresse, l'histoire de l'alimentation carnée. Et puis vous avez publié « La cuisine du Maghreb n'est-elle qu'une simple histoire de couscous ». Quand je vous pose à vous la question « Qu'est-ce que le couscous ?», il y a cette réflexion « Couscous, nous connaissons, c'est de la semoule, de la viande, des légumes ». Le couscous à la base même, qu'est-ce? Est-ce simplement la semoule? Alors le terme couscous désigné dans les livres de cuisine médiévaux effectivement la semoule. On parle notamment de marmite au couscous, donc pour préparer la semoule. Et un autre sens s'est rajouté pour désigner justement le plat. Donc comme le disait Fatema Hall, c'est de la semoule, de la viande, une sauce, Et c'est vrai que les livres de cuisine, donc les plus vieilles recettes dont on dispose, datent du 12e mais plutôt du 13e siècle et désignent bien la façon de préparer à la fois la semoule, donc pour rouler les grains, la céréale, la préparation des viandes et des légumes et enfin la présentation, étant donné que le dressage était très important pour les consommateurs. Eh bien, justement, puisque nous évoquons les écrits médiévaux, je vous propose d'écouter une lecture, celle du journal de voyage d'Anselme Adorn, c'est un voyageur flamand, qui a séjourné à Tunis au 15e siècle, en 1470 précisément. Est constitué d'un grand plat rempli d'une pâte qui se présente comme du riz. Cette pâte se confectionne avec de la fleur de farine de blé. On appelle ce mets couscous. Il est d'une consommation courante dans le pays et on le considère comme un aliment délicat, nourrissant et propre à faire grossir. Nous l'avons vu préparer plusieurs fois. Sur ce mets, le couscous, étaient disposés des morceaux de viande et de poulet enveloppés dans des choux. Ils prennent ce plat avec leurs 5 doigts et ils forment avec la main une boule qu'ils projettent dans leur bouche. Nathalie Canouille qui nous lisait un extrait d'un journal de voyage d'un flamand qui a séjourné à Tunis au 15e siècle. Le couscous nous intéresse par les sources. Fatema Hall, vous les avez évoquées, puis vous avez recherché ces sources. Alors, source écrite, c'est une chose, source orale également, mais quelque chose à poser de suite. Il n'y a pas une recette de couscous. Quand nous parlons du couscous, et nous allons travailler aujourd'hui sur son histoire comme on travaille la semoule pour préparer ce plat, il n'y a pas une recette. Il y a plein de couscous. Bien sûr. Alors, une fois qu'on a compris l'histoire de l'alimentation, comment se nourrit l'être humain, on peut comprendre que le couscous ne fait que suivre aussi cette histoire. Se rajoute à ça, évidemment, la civilisation. Donc, en fait, plus on va vers la mer, plus on trouve des couscous avec des poissons. Il faut pas oublier qu'au niveau des légumes, les saisons existent et que le couscous date donc du 12-13e siècle, en tout cas d'après les écrits que nous avons et les recettes que nous avons, où il n'y avait pas de légumes, donc il y avait, on utilisait aussi les fruits, comme les raisins secs. Les raisins secs et les oignons étaient très utilisés, ils sont toujours d'ailleurs utilisés. Alors donc les saisons jouent, les régions jouent, donc la géographie est très très très importante. Et bien sûr, par exemple, l'histoire du Maroc, qui a été quand même un empire, sa cuisine est très très riche et on trouve des recettes absolument extraordinaires. Alors là, une des plus étonnantes, c'est un couscous berbère très très très très ancien, où on faisait sécher les moules quand ils pêchaient les moules et les réhydrater et faire un couscous aux moules séchées. Si on parle d'un couscous aux moules actuellement, on pense que c'est une nouvelle recette. Or, c'est une des plus anciennes. À côté de ça, quand on va dans les villes impériales comme Fès, Marrakech, Rabat, etc., on trouve le medfoun. C'est un couscous qui cache son jeu. Et là, on voit aussi, lorsque on n'a plus besoin simplement de se nourrir pour ne pas mourir, parce que la nourriture, c'est aussi une question de vie ou de mort. Si on ne mange pas, on meurt. Une fois qu'on a réglé ça, la civilisation apparaît et la richesse aussi, il faut la montrer. Et donc, il y a aussi le jeu. Et donc, dans le couscous medfoun, c'est très ludique. On prépare le couscous, on prépare à côté, pour les riches, des pigeonneaux, des raisins, des oignons confits, des amandes. On met le couscous cuit, on met une couche de pigeonneaux, raisins, etc. Et on couvre tout ça avec un autre couscous et on cache tout ça. Et quand on le sert, on a l'impression que c'est un dessert. Et on l'appelle le medfoun, donc l'enterrer. Que j'ai traduit bois au Mansouria par le voilé, parce que la traduction est macabre. Dans les variantes de ce couscous qui est absolument intéressant et qui nous montre le rôle des femmes extraordinaires qui non seulement nourrissent la famille, mais quand elles peuvent aller au-delà, elles peuvent aussi créer. Donc, les chefs n'ont rien inventé. Les femmes, déjà, dans une cuisine de maison, ont su aussi créer des recettes fabuleuses. Oui, la transmission nous intéresse, hein, la transmission dès qu'il s'agit d'histoire, et nous avons évoqué ces sources écrites. Marianne Briseville, vous avez étudié l'alimentation carnée dans l'Occident islamique médiéval. Quelles sont ces sources? Quelles sources avons-nous pour étudier l'histoire du couscous? Alors donc nous avions les recettes de cuisine, nous avons également des traités de diététique arabes qui ont été rédigés alors pour l'Occident islamique entre le 9e et le 15e siècle. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que à partir du 13e siècle, deux médecins de la péninsule ibérique, donc ce qu'on appelait Al-Andalus à l'époque, mentionnent dans leur traité diététique le couscous en précisant que on le prépare soit avec de la viande grasse, soit en fonction des différentes qualités humorales selon les paradigmes de l'époque, qui est un aliment dont la digestion, si elle est complète, ne cause pas de lourdeur, ou il ne faut pas abuser en fonction de sa consommation. Donc ces remarques montrent comment les médecins, à partir du 13e siècle et puis également au 14e siècle, considèrent réellement ce plat comme faisant partie des pratiques alimentaires des populations. Et il est issu d'un monde berbère. Il est issu d'un monde berbère. Donc c'est alors à l'origine, donc c'est Mohamed Oubali qui avait étudié sur les origines. Le couscous, avant d'être appelé couscousou, s'appelait plutôt taham, qui désigne donc soit les céréales, soit l'alimentation en général. Et les plus anciennes sources écrites suggère qu'il est né dans le désert, près du Sahel, et qu'à partir de cet espace, il s'est diffusé donc dans la péninsule ibérique, qui était à l'époque gouvernée par des dynasties berbères, et puis également jusque dans l'Orient islamique, à savoir donc l'Égypte et la Syrie notamment. Et puis ce couscous est transmis, il est transmis par des textes, vous nous évoquez ces traités, alors parfois de diététique, hein, Marianne Briseville, et puis il est transmis de manière orale. Bah tenez, un exemple de transmission orale, partons en cuisine. Regarde ces légumes comme c'est bon. J'ai faim. Ouais, je l'ai goûté, moi, c'est trop bon. J'ai faim déjà, qu'est-ce que t'as vu? Garçon, sens, comment ça sent bon. Ouais. Et ouais, maman, elle a toujours cuisiné pour nous et maintenant elle cuisine pour les autres. C'est pas juste, hein. C'est pas grave, on va manger après. Moi, je suis jalouse. Regarde-moi ça, tu vois, j'ai même pas envie de leur donner. Ils ne méritent pas. Mais déjà, bon, son poisson. Tout est en train de ça va même là. Pas. Ah oui, t'as vu? Ouais, d'ailleurs, là, le mieux, faut que tu leur passes un dernier bouillon. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle a pas fait cuire, elle a juste déposé sur la sauce chaude pour pas qu'il s'est fait. D'accord, ok. Mais mets-le en dernière minute, hein, elle a pré-cuit ta mère. Elle m'a dit de le mettre vraiment à la dernière minute. D'accord. Je vais sauter la sauce en attendant. Oui. Un extrait du film « La graine et le mulet » d'Abdelatif Kechiche, un film de 2007, où nous entendons dans ce son des femmes qui parlent et qui évoquent leur mère. Fatema Hall, dans cette recherche des origines du couscous, il y a les textes bien sûr, et puis c'est votre démarche, hein, d'ethnologue, de recherche des sources par la parole. Il faut aller rencontrer les gens pour entendre cette transmission. Eh oui, allô ? Nous vous entendons bien. Oui, je voulais juste revenir sur le mot taham. Il n'est pas si ancien que... Enfin, il est très ancien, mais il n'a pas disparu. C'est-à-dire que dans ma région, Oujda, on ne dit pas ksksou. C'est très récent d'ailleurs. On a toujours appelé le couscous taham. Taham, ce qui veut dire nourriture. Mais ce qui est intéressant, en Algérie, on l'appelle carrément l'aïch dans certaines régions, ce qui veut dire la vie. Ce qui fait vivre. Et pour montrer à tel point ce couscous désigne vraiment la vie d'un maghrébin. Vous savez que c'est le seul plat qui accompagne la vie d'un maghrébin de la naissance jusqu'à sa mort. À la naissance, pour le baptême ou pour le premier jour, et même pour le bouillon de l'accouchée, le couscous est toujours présent. On prépare le couscous pour la naissance. Mais pour le deuil aussi, Il accompagne aussi le départ du Maghreb. Donc, tout le long de sa vie, il le suit. Avec des recettes différentes. Oui, c'est merci beaucoup. C'est la, par exemple, dans ma ville natale, le couscous du deuil se rapproche presque du couscous des fêtes, c'est-à-dire raisins secs, pois chiches et oignons. Et ça montre le rôle de ce plat qu'aucun autre plat n'a pu remplacer. Après, je reviens sur la lecture qu'on avait eue. Ce n'est absolument pas un plat aussi pour faire grossir. Tout le monde sait au Maghreb et dans les familles que lorsqu'on mange le couscous, il faut prévoir quelque chose à manger une heure après parce qu'il y a tellement de fibres dans les légumes. Et la plupart des couscous consommés, c'est le couscous aux 7 légumes. Il y a tellement de légumes qu'il y a tellement de fibres que donc on le digère très vite. Le couscous ne fait absolument pas grossir. Alors, pour les viandes, traditionnellement, on ne mélange pas les viandes. Soit c'est du poulet fermier, soit c'est de l'agneau. Mais le mélange des viandes est venu beaucoup plus avec l'immigration et avec la mode presque française. Eh bien, justement, dans le monde islamique médiéval, Marianne Brisville, vous avez étudié l'alimentation carnée. Et toujours dans cette grande réflexion, qui est un débat profond, qui a inventé le couscous, il y a une concurrence entre les pays du Maghreb, vous pouvez poser, vous, la question différemment, vu que nous disons depuis tout à l'heure qu'il y a plein de recettes de couscous. En fait, il y a plusieurs modes de naissance, plusieurs consommations différentes, et la viande peut être un angle pour essayer d'analyser cette histoire du couscous. Oui, toutes les recettes que j'étudie sont des couscous à base de viande. Donc on a essentiellement du mouton ou des volailles qui sont à l'époque les viandes les plus préférées ou qui avaient en tout cas la faveur des élites qui rédigent ces sources. Parce que en effet les sources écrites ça renseigne, documente de façon privilégiée les élites. À côté de cette tradition écrite, il y avait évidemment la transmission orale qu'il reste très très difficile de connaître. Or, grâce aux avancées de l'archéologie et notamment de l'archéozoologie, on connaît de mieux en mieux les manières de consommer des populations à partir des vestiges bioarchéologiques, donc à savoir soit les ossements pour les animaux, soit les graines, soit également les récipients qui peuvent être étudiés et les technologies actuelles permettent de savoir quels aliments étaient dans ces récipients. Donc, grâce à ces données matérielles, on connaît de mieux en mieux les populations et la manière dont elles mangeaient. Et en les confrontant avec les sources écrites, on peut voir des préférences se confirmer ou au contraire s'invalider. Avec cette réflexion, et nous pouvons détailler le plat, qui va nous conduire à penser la semoule, donc la céréale, les légumes et la viande. Alors, en ce qui concerne la semoule, il y a une histoire. C'est toujours une semoule de blé ? Dans les recettes médiévales, oui, on évoque essentiellement des céréales de blé. Par la suite, effectivement, la diffusion du couscous a entraîné que chaque communauté a utilisé les céréales de préférence. Donc, comme le disait Fatima Mahal, avec le mil, avec le sorgho, par exemple, en fonction des régions. C'est vrai que pour l'époque médiévale, en tout cas, les documents ne mentionnent que le blé, qui était avec l'orge, les deux céréales les plus consommées à l'époque. Fatema Hall, vous concevez, vous, un couscous qui n'est pas réalisé avec de la semoule de blé ? Bien sûr, mais c'est très juste ce que ma camarade vient de dire. Le couscous, il ne faut pas oublier que le couscous n'est rien d'autre que la pâte la plus fine au monde. Il est dans, c'est une pâte, le couscous. C'est donc le blé qu'on transforme, on retire cette semoule, soit elle est fine, soit elle est moyenne, soit elle est grosse. Et il y a ce travail. Le travail qui se fait avec la semoule pour les pâtes, il se faisait avec la farine, qui est aussi tirée du blé. Et donc, au départ, ce n'est que le couscous de blé dur. Dans les variantes, on trouve effectivement l'orge. Mais l'orge n'était pas du tout appelée couscous. Et c'est là où il y a un autre travail, et je rêve de le faire avec des historiens, où c'est là où il y a cette différence-là. Le couscous, c'est l'acte de rouler le couscous. Tout ce qui n'est pas roulé n'est pas du couscous. Mais qu'on appelle couscous. Après, il y a eu cette appellation. Mais quand vous allez dans les familles les plus anciennes où il n'y a pas eu tellement de touristes de passage, comme ma ville natale, Oujda et la région, on ne dit pas pour le blé concassé, on dit chicha. On l'appelle par le nom de la graine et non pas couscous. Après, on a rajouté couscous chicha, comme pour montrer que c'est en tout cas la même façon de faire. Mais à partir du moment où on ne roule pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas du couscous. Le couscous, c'est du blé, c'est la semoule qu'on tire du blé et qu'on roule. C'est ce travail de roulage qui donne le nom au couscous. Voilà. Après, à qui appartient, c'est une question évidemment farfelu, parce que c'est comme si les frontières étaient les frontières actuelles. Le couscous est incontestablement berbère. Le couscous est né avec l'arrivée du blé par les Romains. Peut-être qu'il était là bien avant le blé, mais en tout cas, d'après les documents que nous avons tous consultés, il est très lié à l'arrivée du blé dans la région. Dire que le couscous est algérien, marocain, tunisien, le couscous est incontestablement berbère, et dans toute cette région qui était le grenier des Romains pour déposer leur blé, le couscous est né là. Alors après, il y a la cuisson à la vapeur. On a trouvé, parce que le contenant est très important, et dans les fouilles archéologiques, on a trouvé effectivement des contenants avec des trous. Et on suppose que déjà au temps de Massinissa, donc bien avant Jésus-Christ, on faisait déjà des cuissons à la vapeur. Est-ce que ces cuissons à la vapeur, c'était pour le couscous ou pas? Mais c'est quand même une très bonne piste. C'est déjà une très bonne piste, Fatema Hall, de réfléchir à la cuisson à la vapeur, à la nécessité de bien travailler la graine. Dès lors, il faut élaborer le couscous avec Raymond Oliver. Ah oui, souvenez-vous, et Catherine Langeais, c'était à la télévision en 1966. Ce que je veux vous démontrer, c'est la façon de cuire le couscous qui est tout de même importante. En effet, il n'est pas nécessaire d'avoir une casserole à pression. Ça, c'est absolument pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un couscoussier et une marmite. Voilà. Dès ce moment-là, on essaye de faire un joint le plus hermétique possible entre le couscoussier et le couvercle. Non, pas le couvercle. Même pas. La marmite elle-même, ah oui. De façon à obliger la vapeur à traverser le couscous. Et c'est cette démonstration de traverser du couscous par la vapeur que je voudrais vous montrer. Oui. Alors nous allons laisser ça plein jus ici. Mais alors, il est certain que là, cette marmite a toute sa valeur là, dans une émission comme ça, malgré tout. Ah oui, ça c'est impeccable. Alors ça, nous en aurons besoin tout à l'heure. Et puis nous allons maintenant parler de ce qui va être nécessaire pour faire ce couscous, c'est-à-dire ce que nous avons mis dans la marmite. Oui, ça c'est important. Alors il y a d'abord un morceau d'épaule de mouton. Ah. Agneau ou mouton, selon les goûts de chacun. C'est ce que vous préconisez, vous. Voilà. Alors, on coupe des morceaux comme ceci, voyez-vous, selon le nombre de convives, bien entendu, gras. Alors ça, c'est d'une importance absolument capitale. Que ce soit une épaule grasse. Ah, que ce soit gras, il faut que ce soit gras. Raymond Oliver considère qu'il faut que ça soit gras et Catherine Langeais acquiesce. Marianne Briseville, justement, en écho à cette construction du couscous, nous avons parlé de la semoule et nous l'avons bien faite. Elle a été roulée tout comme il faut à la vapeur. Mais il nous faut de la viande désormais. Quelle est l'histoire du couscous et de la viande? C'est-à-dire que le couscous est tributaire, en fait, de l'histoire elle-même de la viande. viande, de l'élevage, dans toute cette partie de l'Afrique du Nord et plus loin encore, jusqu'en Sicile et tout le sud de l'Espagne. Alors effectivement, un plat digne de ce nom à l'époque doit comporter de la viande. Parce que c'est l'aliment, c'est valorisé, c'est l'aliment des fêtes également. Comme le disait Fatima Hall, toutes les fêtes doivent être avec un plat carné. Après, ces viandes sont déclinées en fonction de ce dont on dispose. Les cuisiniers médiévaux, en tout cas les auteurs de recettes, précisaient bien des conseils, de préférence une viande grasse ou une viande maigre, une viande d'un animal jeune ou d'un mouton, ou alors plutôt d'une volaille. Mais on a toujours des inscriptions qui laissaient la liberté aux cuisiniers de faire en fonction de ce dont ils disposaient. Et effectivement, l'aliment qu'est la viande, un aliment particulier qu'il faut élever, qu'il faut abattre, qu'il faut transformer, qu'il faut éventuellement conserver, impliquait de différentes préparations. Et donc, tout un calendrier qui répondait à l'élevage et au système productif des populations. Et puisqu'il est question de viande et de couscous, une question se pose. Peut-on mettre des merguez dans le couscous? Oh, vous touchez pas aux merguez, ça va pas ou quoi? Mais c'est toi qui les payes, les merguez? Vas-y, arrête, tu vas nous faire pleurer. Ça y est, toi t'arrêtes, ok? Parce que tu vas pleurer, c'est sûr. France Culture. C'est 5 francs pour tout le monde, merde! Sans pour Hubert, c'est normal, on est sur son immeuble. Ouais, c'est une fois la merguez là. Ouais, c'est une fois la merguez dans les deux. Pardon. Le cours de l'histoire. Ah putain, relou. Oh, Hubert, vous devriez essayer. Xavier Mauduit. Non putain, mais par contre j'ai 5 francs pour moi. La scène des merguez dans le film La haine de Mathieu Kassovitz en 1995, Fatema Hall, est-il envisageable de mettre des merguez dans un couscous? Alors, juste avant d'aller vers les merguez, je voudrais juste corriger quelque chose qui, malheureusement, dans tous les textes, on dit du mouton. Il faut mettre du mouton. Mais lorsqu'on connaît, je suis née au Maroc, j'ai vécu au Maroc, toutes les familles, on n'utilise pas le mouton. Les Français le traduisent par mouton, sachant d'ailleurs, et je les soupçonne un petit peu d'un petit côté comme ça péjoratif, on utilise de l'agneau. On fait vraiment la différence dans toutes les familles entre l'agneau et le mouton. Il faut vraiment être très pauvre pour accepter d'acheter le mouton. Enfin, pas très pauvre, mais on utilise le mouton parce que d'abord c'est tendre et parce que il n'y a pas cette odeur de mouton. Mais dans tous les textes, l'agneau est traduit par mouton. Alors, on ferme la parenthèse pour les merguez. J'étais hélas une des premières à diffuser une fausse déclaration en disant le merguez n'est pas maghrébin, n'est pas dans la civilisation arabo-musulmane. Les merguez sont arrivés peut-être avec les pieds noirs ou les Français, etc. Or c'est faux. Le merguez est un mot arabe al-merqas, qu'on trouve déjà aussi dans les livres d'Ibn Razin Toujibi et de l'anonyme au 11-12e siècle. Mais c'est vrai que jamais, jamais, jamais, on ne sert les merguez avec le couscous. Les merguez qui ont peut-être donné naissance à la saucisse, allez savoir. Ces merguez-là du 11-12e siècle, on les consommait en dehors du couscous. La mode et l'idée, les Français ne peuvent pas se passer des merguez parce que ça leur rappelle peut-être. Maintenant, je trouve ça un petit peu touchant. C'est comme si quand on arrive dans mon restaurant, on arrive et on apprend et ils s'adaptent à ma civilisation, mais ils veulent un petit bout de la leur, c'est-à-dire que ça leur rappelle leur saucisse. Et le Français, quand il demande un couscous, il demande un royal. Donc, dans le royal, forcément, il y a cette merguez. Alors, tous les puristes détestent ça. Pendant 20 ans, j'ai refusé le couscous au merguez. Pour le moment, je me dis pourquoi pas. on s'adapte et on fait plaisir aux clients. Voilà, on fait plaisir aux clients et puis on fait plaisir à ceux qui sont autour de la table parce que c'est aussi ça, le moment du repas, c'est un plaisir. Oui. Et quand il est question justement de merguez, il y a plein d'origines. On lit que ce sont des Alsaciens colons en Algérie qui ont voulu retrouver leurs saucisses mais qui les ont épicées puis qui ont mis du bœuf parce qu'ils ne trouvaient pas de cochon. Marianne Briseville, une réflexion sur la merguez ? Alors sur la merguez, non. Sur les saucisses, effectivement, il y a déjà à l'époque médiévale différentes sortes de saucisses en fonction de si on prend donc des plus ou moins grosses ou plus ou moins fines en fonction de si on prend un intestin d'un animal de petite taille ou de grande taille. Mais c'est vrai que ces saucisses étaient déjà préparées sur les marchés et vendues aux populations urbaines, étant donné qu'on a des traités qui réglementent ce qu'on appellerait aujourd'hui la street food, à savoir ces artisans qui préparent l'aliment et qui le vendent directement pour être prêts à être consommés. Donc c'est vrai que ces saucisses donc hélas le couscous n'était pas préparé, en tout cas ne semblait pas être documenté dans ces traités des marchés, mais la saucisse, les boulettes et d'autres plats étaient vendus pour un grand nombre de populations. Et puis nous avons maintenant notre semoule et elle est parfaite. Nous avons notre viande et elle est variée. Réflexion sur les légumes, c'est essentiel. Le bouillon. Alors Fatema Hall, il faut vraiment rappeler que le légume est au cœur du couscous. D'ailleurs, le couscous peut se suffire de légumes. Il y a des couscous sans légumes. Hein. Le couscous qu'on dit tfaya, c'est uniquement, sauf si on considère, il y a un légume, c'est les oignons. Donc la tfaya, c'est uniquement les raisins secs, donc les fruits, et l'oignon. Mais le couscous qui est consommé tout le temps, c'est le couscous aux 7 légumes. Mais il y a aussi les couscous d'hiver avec justement soit la chicha, le blé concassé, soit l'orge verte, parce qu'on utilise aussi l'orge, et l'orge verte, c'est juste une pure merveille. Là, il n'y a pas de viande, et dans les légumes, on n'utilise que la courge, parce que c'est l'hiver, et donc il y a les légumes de saison, la courge et les navets, et les fèves séchées. Alors, toutes ces différences-là de légumes qui dépendent des saisons, maintenant, on a les légumes pratiquement toute l'année. Mais le légume est très important pour l'alimentation, pour l'équilibre alimentaire. Et le couscous du vendredi, c'est le légume sbardari, le couscous sbardari, le couscous aux 7 légumes. Le couscous aux 7 légumes. Et puis le couscous aux 7 légumes. Et puis surtout dans cette histoire du légume, il y a une obligation de penser à l'histoire, à la diffusion du légume lui-même. Évidemment, Marianne Briseville, les couscous évoluent géographiquement, bien sûr, mais dans le temps, selon les légumes. Alors selon le temps court, celui de l'année, de la saison, mais le temps long aussi, la diffusion des légumes. Oui, tout à fait. On est beaucoup moins documenté par rapport à cette diffusion des légumes, étant donné que les traces écrites le mentionnent peu, mais effectivement, dès qu'on parle des légumes et de l'Empire islamique, on doit parler de cette migration de certains légumes comme les épinards, comme la banane par exemple, comme la canne à sucre que les populations arabo-musulmanes ont découvert dans l'est de l'Asie et qu'elles ont acclimaté progressivement dans leur territoire. L'un des aliments les plus représentatifs est justement la plantation du riz qui est cultivée jusque dans le Sousse marocain et puis aussi dans la péninsule ibérique. Alors effectivement, le couscous, ou en tout cas les recettes médiévales, ne mentionnent que des légumes qui étaient relativement courants, mais accompagnés de beaucoup d'épices et très variées, donc la coriandre, le poivre, et qui montrent comment il y avait vraiment une circulation des marchandises et des denrées alimentaires à travers la Méditerranée à l'époque. Et puis ça y est, nous avons notre semoule, nous avons notre viande et nous avons nos légumes. Écoutez, il est temps de faire du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre et me dit d'une voix menue: fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. En 1960, Bob Hazan et son orchestre qui chantaient « Fais-moi du couscous chéri » dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Huala avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle et Nasser Moussaoui. Bob Hazan, en 1960, « Fais-moi du couscous chéri », c'est patrimonial désormais. Il faut réfléchir aussi à la diffusion du couscous. Comment le couscous a été reconnu? On a évoqué Rabelais qui l'évoque, Alexandre Dumas aussi, qui évoque, alors il n'utilise pas exactement le mot couscous, mais peu importe, c'est ce plat-là, Fatema Hall. À quel moment le couscous se diffuse en France? Évidemment, en 1960, nous pensons à des moments de migration. Oui, bien avant 1950. En fait, les tout débuts, je pense que c'est les Algériens qui sont arrivés bien avant les années 60, vous savez, les Maghrébins adorent partager. À partir du moment où on prépare un plat qui ne se mange jamais seul, dans les quartiers, ça se partageait. Il y avait c'était beaucoup plus connu d'ailleurs au départ par la population ouvrière française que par la bourgeoisie. Par la bourgeoisie, les quartiers chics, c'était bien après. C'est à partir des années 60 effectivement. Mais avant, dans les quartiers, ces célibataires, soit ils avaient d'ailleurs des petits cafés ou un jour par semaine, quand ils travaillaient pas à l'usine, ils préparaient le couscous. Soit ils tenaient ces cafés et une fois par semaine, ils préparaient le couscous qu'ils vendaient aux autres ouvriers maghrébins qui étaient là, n'oubliez pas, avant l'arrivée des familles. Ils étaient célibataires ou mariés, mais seuls en France. Donc le début, c'était ça, mais c'était un couscous basique. Basique qu'un homme peut faire, donc qui faisait plus ou moins bien, puisque le secret est dans les mains des femmes, des femmes du Maghreb. Par la suite, il y a eu effectivement les années 60 et surtout les années après l'indépendance algérienne et l'arrivée des pieds noirs. L'arrivée des pieds noirs l'a beaucoup plus fait connaître, bien, moins bien, mal folklorisé. Au moins, c'était intéressant parce que on commençait à le voir dans l'ouverture de quelques restaurants. Voilà. Et c'est là où on a commencé à voir le couscous aux quatre viandes qu'on appelait effectivement le royal. Le couscous royal qui est une aberration en soi, parce que le couscous royal, mais après c'est formidable, hein, cette création aussi de créer quelque chose pour le goût de ceux qui reçoivent ce plat. Marianne Brisville, dans la diffusion du couscous, il y a aussi une réflexion sur la diffusion à l'intérieur du monde islamique. Oui, et notamment à l'intérieur des populations aisées ou plus populaires. Effectivement, dès qu'on travaille l'alimentation des sociétés anciennes, on doit toujours se poser la question de la diffusion d'un plat. Est-ce qu'une recette de cuisine est-elle significative d'une communauté ou simplement d'une personne? C'est problématique finalement à bord dès qu'on travaille l'histoire de l'alimentation. Se pose la question de la valeur de la trace écrite et de la représentativité de l'auteur. Par rapport au couscous, effectivement, c'est l'un des rares plats médiévaux qui a été transmis de l'Occident islamique à l'Orient. Et alors que beaucoup de plats orientaux d'origine persane, notamment d'origine bagdadienne, irakienne, syrienne, égyptienne, ont été incorporés dans le répertoire culinaire de l'Occident islamique, seul le couscous se distingue en ayant traversé, on va dire dans l'autre sens, la Méditerranée. Et un livre de recettes du oriental du XIIIe, XVe siècle précise bien que le couscous est maghrébin. Donc aux yeux des orientaux, ce plat est vraiment maghrébin, dans le sens de l'Occident islamique. Et puis avec une réflexion toujours sur le couscous, terme générique, qui couvre des réalités extrêmement différentes. Dans son émission Les Bonnes Choses, tous les dimanches à 12h sur France Culture, Caroline Brouet s'intéressait au couscous. On imagine du couscous, souvent on le mange d'ailleurs en France plutôt avec de l'agneau, avec du poulet, avec des merguez. Et j'ai lu en préparant cette émission que mettre des merguez dans le couscous en Afrique du Nord, c'est une hérésie. Ça n'existait pas là-bas, mais tellement les Français sont visionnaires, ils aiment les autres, donc ils ont voulu tout ramener derrière la colonisation, derrière les années 60, ils ont tout ramené, c'était ce qui lui manquait. Du coup, ils ont mis dans leur couscous tout ce qui lui manquait. Ils ont mis tout d'un coup. Et moi, avant, je le voyais autrement, mais aujourd'hui, c'est un acte d'amour. En fait, c'est le couscous français, c'est le couscous royal. Donc c'est un couscous qu'on peut tout mettre, c'est par gourmandise et par amour. C'est vrai, ça oriente des vrais couscous qui est modeste et qui est là pour juste nous nourrir, mais aimer l'autre, c'est préférable aussi. C'est ce que je sens, un acte d'amour dans ces couscous français. Nordine Labia, chef du restaurant à mi-chemin à Paris, qui était l'invité de Caroline Brouet dans l'émission Les Bonnes Choses, le dimanche à 12h sur France Culture. Une émission à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, enfin sur le site France Culture, et puis sur l'application Radio France. Le couscous à la portée de tous et le couscous comme acte d'amour. Fatema Hall, vous êtes d'accord? Oui. C'est un acte d'amour, absolument. Alors, je voulais juste préciser aussi une chose qui est très belle, qu'on a oublié de dire. Bon, ça fait partie de l'amour, hein, en tout cas l'amour de l'éducation. Vous savez que ce plat qu'on partage, il servait aussi pour l'éducation et le respect de l'autre, le respect du périmètre de l'autre. C'est-à-dire que quand on est assis, il fallait absolument manger devant soi. Vous avez un périmètre qui est juste en face de vous et vous ne devez pas aller sur le terrain de votre voisin. Votre voisin qui peut être un invité, qui peut être votre frère, qui peut être votre mère, qui peut être... Et c'est très important, cette notion du partage, qui n'est pas simplement partager et manger ensemble, c'est partager en respectant la place et le périmètre de l'autre. Si on pouvait de plus en plus valoriser cette civilisation, cette culture, à partir de la nourriture en France, par les temps qui courent, ça peut être un vrai acte d'amour. Un vrai acte d'amour. Allez-y, Fatema. Les Français qui poussent nos portes et viennent manger ce plat chez nous, c'est vrai que c'est un acte d'amour extraordinaire. Les Français qui en ont fait leur plat préféré, c'est vrai que c'est un acte d'amour. Et c'est dommage qu'on ne met pas en valeur de plus en plus tout ce que la nourriture peut nous offrir comme moyen de régler certaines tensions. C'est très beau de dire ça, c'est très intéressant parce que effectivement, le moment du repas, de la convivialité est essentiel, c'est celui du bon moment partagé, celui du plaisir. Alors dans le cours de l'histoire, nous intéressons toute la semaine l'histoire des aliments et des plats, hein, le ravioli chinois, le spaghetti mais antique, la nourriture antique, les sushis également pour une tranche d'histoire. C'est à écouter en ligne hein, sur le site de franceculture.fr et sur l'application Radio France. Mais il y a notre volonté dans le cours de l'histoire de regarder le plat lui-même. Parce qu'avec l'histoire de la cuisine, on pourrait tirer tous les fils, faire l'histoire du commerce avec les épices. En parlant du couscous, c'est essentiel, de la convivialité. Marianne Briseville, faire l'histoire du couscous, c'est faire l'histoire d'une civilisation. Par exemple, un couscous, on ne le fait pas pour soi seul. Non, on ne le fait pas pour soi seul. Et vu le temps que ça prend pour le préparer, le cuisiner, effectivement, c'est beaucoup de temps pour, si on le mangeait tout seul, ce serait un peu dommage. L'intérêt aussi du couscous, c'est qu'il peut se conserver, notamment la semoule, elle peut se conserver plusieurs jours et donc on est toujours sur un plat qui peut être consommé plusieurs jours dans la semaine ou sur une longue durée et qui permet, si des invités ou des amis passent, on augmente la quantité et on les invite à partager. C'est effectivement, l'alimentation permet de retracer les différentes composantes d'une société, la culture, les représentations, le savoir technique aussi, la culture matérielle. Et puis les convivialités, les règles de table, les règles diététiques, l'éducation aussi. L'alimentation sert vraiment à est un dénominateur commun finalement pour englober et connaître une société et qui en plus l'alimentation est universelle, donc tout le monde mange. Voilà, c'est pourquoi le couscous, nous l'espérons, va être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci vivement à vous deux, à Marianne Brisville, et je rappelle l'ouvrage auquel vous avez participé, hein, La cuisine du Maghreb n'est-elle qu'une simple histoire de couscous. Merci Fatema Hall, on peut aller manger dans votre restaurant, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Hein. Mais on peut lire le discours amoureux des épices. Oui. Mon roman qui raconte un petit peu l'histoire de la noix de muscade qui a changé le cours de notre histoire. Et ben voilà, ça c'est intéressant de regarder le cours de notre histoire à travers la noix de muscade, un peu à la Timothy Brook, de regarder comme ça à travers un objet, un détail, une histoire mondiale. Et puis je rappelle vos ouvrages, hein, le livre du couscous ou encore tagine et couscous. En tout cas, il y a plein de recettes et vous nous avez donné. Les saveurs et les gestes. Et ben voilà, vous nous donnez envie, vous nous donnez envie. Je sens que là, il va y avoir des couscous préparés dans le week-end. Merci vivement à vous deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'histoire, un sujet brûlant, le porte-monnaie de nos élus. Nicolas Sarkozy, président de la République de 2007 à 2012, est actuellement jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Le parquet national financier a requis à son encontre une peine de prison ferme, une première pour un ancien chef de l'État français. Le procureur financier Jean-Luc Blachon a conclu son réquisitoire en déclarant « On ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République ». C'est un réquisitoire inédit dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, le parquet national financier a requis ce mardi 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, contre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire dite des écoutes. L'ex-chef d'État est jugé avec 2 autres accusés pour corruption et trafic d'influence. La rémunération des élus ou pas, le financement des partis et des campagnes électorales a fait l'objet de très nombreux débats depuis la Révolution française. Mais un des moyens considérés comme l'instrument de lutte contre la corruption, les indemnités parlementaires et les frais de représentation, ont longtemps été délaissés par l'histoire et la sociologie politique. Frédéric Monnier, dans son introduction au numéro des Cahiers Jaurès du premier semestre 2020, consacré à cette question, avance l'argument selon lequel la thèse de Max Weber a longtemps suffi à penser cette question en proposant 2 idéotypes. La politique des honneurs, exercée à titre gracieux par des notables, et la politique comme métier, exercée par des professionnels rémunérés. Un champ politique animé exclusivement par des notables fortunés, difficile à défendre dans une république démocratique et dirigé en principe que les élus soient indépendants du fait de leur fortune personnelle et non du fait de la garantie de l'État. L'honneur de servir sa patrie n'est pas tout à fait suffisant pour assurer la relative diversité sociale de ceux qui s'engagent en politique. Pay my bills. Won't somebody pay my bills? La France est un des premiers pays à avoir créé une indemnité pour ses députés en septembre 1789. Son histoire est directement liée à l'histoire des régimes politiques. Les restaurations de la monarchie la suppriment invariablement, mais elles ne constituent pas pour autant une norme républicaine et continuent à faire débat jusqu'au début du XXe siècle et la consolidation de la Troisième République. Ce qui se joue dans cette rémunération, c'est la sociologie des éligibles et toute une réflexion sur les facteurs d'autonomie financière et morale de celui, puisqu'à l'époque les femmes n'ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles, de celui donc auquel un mandat est confié par la voie du suffrage. La rémunération des parlementaires est justifiée par la lutte contre un gouvernement laissé aux mains des plus fortunés, mais cette rétribution est souvent jugée indigne face au privilège de servir une si noble cause. Tout se passe comme si les systèmes de valeurs civiques rendaient la rémunération ou l'indemnisation du mandat nécessaire, mais sans lui assurer pour autant une pleine légitimité morale, selon Frédéric Monnier. Après la Première Guerre mondiale, pour sortir des polémiques endémiques sur le niveau de ses rémunérations, l'indemnité parlementaire est alignée en 1938 sur les salaires des hauts fonctionnaires. Une professionnalisation salariale par défaut. L'argent et la politique, un travail de recherche historique toujours en cours. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Demain, dans le cours de l'histoire, vie et destin du Livre Noir, la destruction des Juifs du RSS, vie et destin du Livre Noir, oui, qui revient sur l'histoire d'un document unique, ce Livre Noir, rédigé à la demande de Staline pour documenter les massacres nazis sur le front de l'Est, et un livre très vite oublié par Staline, caché par Staline, et dont les auteurs ont été persécutés. C'est notre sujet demain dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, où vous pouvez retrouver toutes les émissions du cycle consacré aux cuisines, à l'histoire des cuisines à travers le monde. Alors à table, lundi c'était ravioli chinois, le mardi c'était spaghetti antique, le mercredi c'était sushi, une tranche d'histoire, et le jeudi, aujourd'hui, c'était méchoui et couscous aussi.